archive et c'est parti pour l'émission de Michel Vedette. Exclusivité mondiale, en direct live absolu, une soirée exceptionnelle, un événement cosmique qui n'arrive qu'une fois dans une poussière d'étoiles. Mardi soir, venez retrouver Michel Vedette qui va venir passer ses galettes. C'est ma voix qu'on entend. C'est trop non, comment je maîtrise pas, ma bouche et mes dents et ma langue. C'est pas ta voix qu'on entend, c'était moi qui ai fait cette oui, annonce. Oui, non mais en même temps que je parlais, c'était ma voix en fait. Ah oui, d'accord. Là, c'est du direct. Ouais, là c'est du direct. Et mon cerveau étant directement connecté avec ma bouche, tout ce que je dis, c'est moi. Ah, il est chaud ce soir. Il est très, très, très, très chaud. Alors, bon, bah, tu nous as préparé énormément de bons sons. Oh, on bah, a une heure de une direct heure, avec toi. Une heure de direct. Une heure de direct avec toi. Et moi, ce que je te propose, c'est de nous balancer ton premier son. Ah non. Ah non. Oh, bon, on va parler un peu quand même d'abord. On va se présenter. Bonsoir, on va un peu se tâter, quoi. Le gras, quoi, tu vois. Le chibre. Vous êtes Joachim. Je suis Joachim. Enchanté, vous faites êtes. De la radio. Michel Vedette. Enchanté. Star en péril. Non. Ou en devenir. En devenir. En devenir. Rappelle-toi de ton épitaphe. Oui, c'est... Voilà. Voilà. C'est quoi déjà? Je sais plus. Mais moi, je me rappelle. Toujours à la mode. Toujours à la mode. C'est pas à moi de dire ces choses-là. Voilà, alors, comme je sais que t'es un petit peu ukrainien, et que moi, en tant que français, c'est russe, c'est pareil, tout ça. Non, alors là... Mais tout ça dans le même sac. Hein. Tu sais que les Russes et les Ukrainiens ne se supportent pas. Mais qui supporte les Russes? Non, qui je pensais que tu allais dire, mais qui supporte les Ukrainiens? Je ne connais pas les Ukrainiens. Non, c'est vrai que les Russes, ils ont une très mauvaise presse dans tous les pays soviétiques. Bah, voilà, c'est ça, très très mauvaise presse. Ah, ouais. Ouais, bah, en fait, moi, j'en ai mais rien tu à sais foutre. Que, tu sais qu'à Kiev, on va arrêter de parler de l'Ukraine parce qu'on s'en fout, mais à Kiev, donc la capitale d'Ukraine, ils parlent tous russe, hein, ils ne parlent pas du tout ukrainien. C'est ça qui est dommage. D'accord. On s'en fout. Okay. Mais tu sais, on a un point commun tous les deux. On a des grosses motos. Ah, bon, toi, les plus grosses, parce que, bah, ouais, parce que t'as parce que besoin de quelque chose de plus gros pour non, parce que j'ai un manque petit kiki. Plus gros. Ouais, j'ai un plus petit kiki, c'est normal. Et alors, j'ai envie de dire kiki. Moi, j'aime bien... J'aime pas dire zizi, j'aime bien dire kiki. Moi, j'ai plein de possibilités, mais voilà. J'ai pas du tout envie, par contre, de parler de sexe. D'accord, on parlera pas de sexe ce soir. Non. Du tout. Alors, j'aime bien quand les motos, quand il y a des bruits de vroom. Vroom. Et là, j'en ai une, elle est vachement bien parce qu'en plus d'avoir plein de bruits de vroom en stéréo, si vous avez la stéréo, ça passe de droite à gauche, on a l'impression qu'il y a une voiture qui traverse la pièce. Mais je crois que je diffuse en mono. D'accord. Non, je diffuse en stéréo. Et en plus, c'est des paroles qui vont avec l'esprit motard. C'est vraiment fantastique. C'est un couple qui fait de la moto. Alors, on écoute. C'est complètement crétin, c'est fabuleux. C'est de la poésie motarde. C'est de la poésie motarde. Si t'as pas de moto, tu peux pas comprendre. Voilà, c'est ça. Et à tous les motards, cette émission, elle vous est dédiée. Elle est pour toi, motard. On fait la course. Ouais, mais là, t'as une plus grosse moto, quoi. Il faut dire que tout bon rocker doit avoir une moto. Ça fait partie de la panoplie du rocker, la moto. Non, moi, je dirais que tout bon homme qui se respecte doit avoir une moto. Il a une moto. Mais tout homme a un esprit rocker, quand même. Ah non. Ah non. Parce que tout homme n'a pas une moto. D'accord. Mais tout, bah, tout homme... bon, ok, d'accord. Moi, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus. En tout cas, moi, ouais. je me dis que tout bon rocker, tout bon rocker doit avoir une moto. Comme Johnny quand il arrive sur scène, finalement. J'ai rien à dire. Sauf que... J'ai rien à dire. Alors pourquoi radio si t'as rien à dire, petit con ? Bon, c'était comment ça s'appelle ce titre ? C'est un énorme groupe qui s'appelle Sol. Qui s'appelle. Non, mais tout va bien. Qui s'appelle Soleil 5. Soleil 5. Tu connaissais bien sûr. Bah, bien sûr, je connais. T'as tous leurs albums. Bien sûr, tout son album. Il a un album, je crois, Soleil 5. J'ai cru qu'ils étaient deux, tellement les paroles sont fortes. Ah, et ça parle d'amour. Ils sont pas 5. Non, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls, mais pourquoi 5 alors ? 5 ? Ah, Soleil 5 ouais. Je sais pas, c'est la maison de disques. Je devrais t'amener les disques pour que tu comprennes un peu. Mais tu me les as amenés, mais je les vois pas parce que t'es un peu loin de moi. Je te rappelle que tu passes les 45 tours. Évidemment, tu mets une espèce de grande baie en moumoute, en moquette marron. Moquette marron, que ouais. Que j'achète au pêché pas où. Est-ce que t'aimes, non, t'aimes bien le design mon père est brocanteur, tu sais. Ouais. Tu regardes soit South Park ? Pas du tout. Est-ce que t'as encore ta télé ? Oui, mais bon, je la regarde peu. Mais Moi, je l'ai jeté il y a 2 ans, 2-3 ans, ma télé. Donc, mais tu sais que South Park existe. Mais non, mais il n'y a que 2-3 programmes qui me manquent à la télé. C'est ça. Tu sais ce qu'il y a comme programme que j'adore à la télé ? C'est quoi ? Qui me manque, mais que c'est pas grave parce que c'est sur Internet quand même. C'est quoi ? Alors, il y a Faites entrer l'accusé. Ouais, mais ça, c'est bien. Ça, c'est... Moi, je le regarde. C'est que ça, pour les mecs, hein, parce que bon, moi, je comprends pas qu'une fille peut regarder ça parce qu'elle peut plus vivre, elle peut plus s'endormir sereinement. Quoi. Donc, c'est une soirée macho. Ça, faut surtout jamais regarder. C'est une soirée très macho parce qu'on parle de moto, de Faites entrer l'accusé qui est interdit aux gonzesses. Non, donc, oui. Toutes les gonzesses qui écoutent la radio, vous pouvez déconnecter ce soir. C'est une soirée, oui. C'est une soirée testostérone. Hein. Mais est-ce que le slow, c'est macho ? Non. C'est... Moi, je pense que le slow, c'est fait pour notre part féminine. D'accord. Alors, tu tombes bien parce que le ce slow, soir, justement, ce soir, c'est un slow. Tu n'en as pas parlé, tu m'en as parlé non, à moi. Tu vois bien que je suis en train d'essayer d'aborder le sujet. Parle-en aux auditeurs. Bah oui, ce soir, il y a un slow. Le tout dernier morceau à la fin de l'heure, ça sera un slow. Ça s'appelle Together. C'est Michel et Katia. Justement, dans ce slow, on accepte la part féminine. Bon, arrête avec ton tu fais du... comment dire ? Du teasing pourri ? Non, du teasing pourri, mais en plus une sorte de... Bon, bah voilà, c'est Michel et Katia. Bon, c'est toi qui as fait ce titre. Non, c'est Michel et Katia, malade. C'est toi qui as fait ce titre. C'est l'Automatic Body Dancing Club. Voilà, mais c'est toi, ça vient de toi. On verra. Ça vient de toi, c'est... Enfin, en tout cas, bref, moi ce que j'adore... Arrête avec ton humilité mal placée. Ouais, t'as raison. Voilà. Alors que tu crèves d'envie de dire que c'est ton titre qui va tout défoncer sa race. Et donc, Faites entrer l'accusé, et puis South Park, et puis je crois que c'est à peu près tout. D'accord. Et les publicités, des fois. D'accord. Et il y avait un South Park la semaine dernière, ça s'appelait Guitar Hero ou Guitar Queer, où il joue à la guitare, machin. Mm-hmm. Et dedans, il y a plein de rock FM américain des années 80. Et donc, laisse-moi deviner, tu viens nous balancer du rock FM des années 80 De folie. De folie. Eh ben, on écoute ça tout de suite. Tu connais Kansas ? T'es pas américain, toi, t'es russe, pardon. Je connais Texas, pas Kansas. Ringard. Ouais, tu sais que je suis ringard, hein. C'est pour ça que t'es sur ma radio. Every piece when you wonder. Bon, c'est vrai que c'est mieux si t'es américain pour sentir vraiment toute la vibration musicale. Moi j'adore ce genre de musique, hein, ça me fait beaucoup penser à Pilote, à toutes ces choses-là. Oh, ah ouais, mais attention, quand ça, c'est ce qu'on it's magic. C'est l'époque des super groupes américains. Avec la nuque longue, qui vendait mais qui vendait principalement qu'aux États-Unis. Bon, si t'étais branché français, que tu voulais la jouer, ouais, je suis branché en musique, t'écoutais ça, mais bon, en fait, c'était totalement ringard. C'est vraiment de la musique de redneck. Hein. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, dans South Park, c'est son père à moustache là qui commence à jouer ça. Ah, t'as décidé de te foutre de ma gueule ce soir, mais il n'y a pas du tout. Tu sais quoi, c'est un angle hein, d'émission. C'est un angle culturel, peut, non, mais artistique. On peut se dire, tiens, ce soir, je me fous de la gueule de l'animateur vedette de la radio. Peu importe, moi ça me dérange pas. Si c'est ton angle, c'est ton angle éditorial. Cet angle. Non. Mais si c'est ton angle éditorial, mais je m'en fous que t'es le BAFA. Donc, si t'as pas le mulet, tu ne peux pas comprendre cette musique. Non. Si t'as pas le mulet. Et si si, la tectonique non plus. Ah non, ils ont le mulet, c'est les nouveaux qui ont le mulet. Ouais, c'est les nouveaux mulets. C'est les nouveaux mulets. Mais ça, c'était les origines du mulet, c'était cette époque-là. Cette époque-là, oui. Ouais. Et il y a. Comment il s'appelle cet acteur black, là pas black, mais qui s'appelle Frank Black. Non. Oui. On me dit des fois que j'ai des côtés à lui. Voilà, c'est un peu pas Frank Black, parce que ça, c'est le chanteur. C'est le chanteur de Pixies, Frank Black. Oui. Mais c'est. Joe Black ? Non. Joe Black, c'est encore un autre. C'est. Bref, quelque chose Black. Je me souviens plus du nom, si vous avez le nom. Il joue dans Rock Academy et surtout dans le film de Stephen Frears. Il joue aussi. High Fidelity. Voilà, dans High Fidelity, et il joue dans son propre film qui s'appelle Tenacious D, sur le nom de son groupe, Tenacious D. Et c'est que des reprises de ce genre de musique-là. Écoute, c'est parce que tu m'as vu faire un solo de guitare. Ouais, mais tu le faisais pas un peu à la Black, à la Joe Black. Comment il s'appelle ? Jack Black, voilà, c'est ça, Jack Black. Donc voilà, tu me fais un peu penser à Jack Black. High Fidelity, c'est un des. Moi, c'est un de mes films cultes. Hein. Ah, toi aussi. Ah, ouais, j'adore. Ça et La Folle Journée de Ferris Bueller. Ah non. Ah, moi, j'adore ça. Par contre, tu sais que avant, j'avais un air de Matthew Broderick quand j'allais. Ah, mais ça m'étonne pas. T'as encore la coupe de Matthew Broderick, en tout cas. Ouais, ça, c'est mon côté petit gosse de Miné. Bourge. Miné, ouais. Ouais, ça te va bien. Bon, on n'arrête pas de parler de Joe Dassin depuis qu'on fait de la radio ensemble, Joachim. C'est vrai, parce que c'est un peu une idole. Et parce que notre idole. Oui. Parce que je t'aime aussi. Ouais, mais moi aussi, je t'aime. Et. Tu me fais de la jambe, là. Ah ouais ? Ouais. Attends. Du pied, par contre. Toi, si tu devais choisir, t'es plutôt côté banjo ou plutôt côté violon ? Moi, je suis le mix des deux. T'es un mix des deux ? Ouais. Bah, c'est comme le zouk et le hard rock. J'aime bien l'écouter en même temps. Une baffle avec du zouk, une baffle avec du hard rock, en même temps. C'est que comme ça que je peux écouter ce genre de musique. En conscience avec ton identité. Ouais, exactement. Ah oui, t'es parti. Donc heureusement que tu gères la technique. Hein, parce que je suis un peu ingé son, je suis un peu tout. Bah, Joe Dassin aussi, il est un peu zouk et hard rock. Sauf que lui, il a développé le côté. Il exprime ça par un côté banjo et un côté violon. D'accord. C'est Joe Dassin, c'est une autre époque. Ah, tu dis Joe Dassin, pas Joe Dassin, tu dis Joe Dassin. Ouais, Joe. Ah, tu mets un dé devant. Non, parce que c'est pour pas confondre avec toi. D'accord. Il y a de la flûte aussi. Hein. Oh, il y a de l'orchestre là. Oh, c'est orchestré tout ça. Ah oui. Ah bah tous les plus grands requins de studio de l'époque sont là. Hein. Ah oui. Je suis né dans une ville où tout est haut. Sous les 50 étoiles d'un drapeau. Mon enfance joue quelque part dans la nuit. Sur un palier d'escalier d'incendie. Mais c'est en France que j'ai eu mes 15 ans. Soir de danse, baiser de débutant. La première place en anglais. Le premier amour en côté banjo des Andes et San Francisco Bay. Côté violon toujours Paris au mois de mai. Côté raison, je me sens quelquefois d'ailleurs, mais d'ici côté cœur. Et j'ai côté banjo les grands serments sur un gratte-ciel. Côté violon les petits dîners aux chandelles. Côté nana, je suis de partout à la fois. Hey, c'est une autre époque. Hein. Moi j'adore. Hein. Moi je trouve que c'est même pas désuet ça pour moi. Ah ouais? Ah non. Des fois j'ai un peu honte moi. Ah non, j'adore moi. Mais j'aime bien la honte comme sensation parfois. C'est avoir honte, c'est un peu comme après avoir fait. Mais tu l'as vu où le violon? Parce que c'est pas quand, quand je vais dire des trucs philosophiques. Ah, tu veux parler technique? Le violon. Le violon, tu l'as entendu où là-dedans? Parce qu'il n'y a pas un seul pet de violon. Hein. Ah, écoute. Mais quand viendra l'heure de me retirer, je serai sans doute bien embêté. À moi, peut-être que j'aille passer. Eh, hey, non, mais voilà, les gens se cassent. Toi, ils trouvent pas ça désolé, mais les gens se cassent. Mais dès qu'on balance du Joe Dassin, les gens se barrent. Mais oui, c'est une autre époque. Mais comment ça se fait? Bah, les gens sont d'une autre non, époque. Non, mais comment ça se fait que moi, ça les me. Gens. Non, comment ça se fait que par exemple nous, ça nous parle vraiment? C'est-à-dire que ça nous prend aux tripes dès qu'on entend la voix de Joe. Et parce que, ouais, je me fouche de savoir si c'est ringard, désuet. Et... Non, mais c'est, même moi, je trouve que c'est pas ringard ni désuet, Joe Dassin. Je trouve que c'est vraiment contemporain. Ah ouais? Malheureusement, je sais pas. Banjo, les grands serments sur un gratte-ciel. Côté violon, les petits dîners aux chandelles. Côté. Je suis de partout à la fois, mais d'ici côté toi. On sent l'inspiration petit pain au chocolat quand même, hein, parce qu'on sent que pas loin derrière, il allait sortir les petits pains au chocolat. Hein. On sentait ça. C'est peut-être sorti avant. Téléphone. C'est son album 15 ans déjà, donc ça fait déjà 15 ans qu'il fait de la variétoche le gars. Quand il sort ça. Tu veux répondre au téléphone ou tu veux... Non, je vais pas. Bon, je gère tout seul, d'accord. Alors, puisque je gère tout seul... Mais non, tu gères pas tout seul, je suis toujours là pour toi. Hein, moi, bon, je... écoute, on en finit avec les Ruskov. Pourquoi? Et Joe Dassin n'était pas Ruskov? Si, il est Ruskov. Ah non. Mais si, ses grands-parents étaient russes. Ah oui, ses grands-parents, mais lui, il était pas du tout russe. Mais je crois que quand t'es russe, c'est pour des 25 non, générations. Hein. Non, c'est pas parce que toi, tes grands-parents sont malgaches que tu es malgache. D'accord. Si tu veux. En tout cas, lui, ce qui est sûr, c'est qu'il est russe. D'accord. C'est le plus russe connu de Russe, de d'accord. France. Et Demis Roussos, non? Ah, il n'est pas russe, il est grec. Et grec, c'est vrai. Pourquoi ça n'a pas de son? Il n'y a pas de honte à être pauvre. Ah bah oui, non, attends, ah bah oui, au début, c'est... parce que sinon, on ne comprend pas l'histoire. C'est exactement lui dont je voulais parler. Ah, si j'étais riche. Et pourquoi tu m'en veux pas de son? Il n'y a pas de honte à être pauvre. Il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Ah, si j'étais riche. C'est Yvan Rebroff, j'aurais une petite fortune. Oh, si j'étais riche. Oh, si j'étais riche. Moi. Hey, adieu la charrette. Tous les jours j'ai riche. Dado, moi. Je bâtirai un vrai palais, montant jusqu'au ciel, sur la place du marché. Des murs plantés bien droits, sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie. Et plein ma cour des oies, des coqs et des poules, toute la ville m'envierait, car ça piaillerait, ça caquetterait. Et chaque quoi sonnerait comme un vrai coup de clairon. Regardez tous, admirez ma maison. Si j'étais riche, adieu la charrette. Alors, je voudrais juste qu'on s'arrête sur ce terme-là. Adieu la charrette. C'est vrai qu'on se demande ce que ça veut dire. Pourquoi adieu la charrette? Il veut construire trois escaliers. Hein. Je ne sais pas si tu as entendu. Un de marbre, un de bois. Je ne comprends pas le russe, désolé. Non, je n'ai pas compris ce qu'il disait. Il disait un de marbre, un de bois et un juste comme ça pour rigoler. Pour le fun. Ouais, pour le fun, exactement. Bon, il veut faire trois escaliers et adieu la charrette. Hein. Et à un moment donné, il imite la poule. On ne sait pas pourquoi il imite la poule. Mais je ne parle pas russe, je ne sais pas. C'est pourquoi. Ouais. C'est toi qui sais. Moi, ce pavant, non, avec sa robe à traîne. Oh mon Dieu, quelle dignité! même quand elle dispute les valets. Les plus gros bonnets de la ville me feraient des courbettes. Ils me demanderaient conseil. Et Rebrov, c'est quand même une superstar. Hein. C'est la caution russe en France. Ouais, hein. Dès qu'on a besoin d'un russe, on appelle Rebrov. Il est encore vivant. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, c'est une constitution. Une institution. Oui, mais d'une constitution indestructible. Ah bah, tu m'étonnes, t'as vu le poids qu'il doit faire, ce mec-là. Ouais. Énorme, énormissime. Et en plus, toujours avec une fourrure, hein, qu'il fasse 40, 50 degrés, peu importe. Ah, tu le connais? Ah bien sûr, toujours avec une fourrure. Il y a une espèce de, il y a un réseau russe. Il y a un réseau russe à Paname. Ouais. Ah ouais. Et là, bon, pour le coup, il y a pas de. Et tout est constitué autour de Rebrov. Là, il y a pas de racisme entre Ukrainiens et Russes là. Pas du tout, pas du tout. Non. Tout le monde est potes là. Ouais, on s'échange des caméscopes, les trucs comme ça. Ah, ouais, d'accord. Il y a du deal de caméscopes. D'accord. Voilà. Bon, et Rebrov deal énormément et dit bon, hein, caméscope. En fait, il est pas gros. Il a énormément de caméscopes sur lui. Ah, t'aimes pas mourir. Hein. Il t'énerve mourir. Hein, il t'énerve. Non. Si, si, je te vois, t'as envie de balancer une petite vanne, de te moquer de moi. Voilà, non, mais tu peux, hein, y a pas de problème. Ah, je peux. Non, et je peux, c'est bien, messieurs les Russes. Oh, et si j'étais riche, tous les jours, j'ai tiki-tiki-dum. Oh, et si j'étais riche, moi. Hey, la charrette. On remarque quand même, il y a de la recherche de paroles. Hein. Digue, digue, dougue, digue, digue, dougue, die. C'est dansant, c'est du swing, ça. Ouais. C'est du swing russe. Bon, je pense que c'est très dansant si tu bois beaucoup de vodka, mais sinon, c'est pas très dansant. Moi, je prends pas d'alcool. Allez, on se casse de la Russie. On se sent en voyage avec toi. On voyage. C'est un peu une nouvelle frontière avec Michel Vedette. Nous allons maintenant nous diriger vers le sud. Le soleil nous appelle. C'est quoi cette imitation toute pérave là, que tu étais en train d'essayer de faire? L'imitation de l'hôtesse. Ah oui, c'est l'hôtesse classe. Ah oui, l'hôtesse poilue classe. Nous allons aller dans le nord de l'Afrique maintenant, si vous le voulez bien, en compagnie des Charlots. Ah, t'essayes d'imiter un peu. C'est un mix entre Michel Leeb et Raymond Barre. Non, Raymond Barre peut-être. Et l'ours. Casimir. L'ours. Nounours. Nounours, voilà. Alors maintenant, c'était quoi le premier? Michel Leeb. C'est un peu un voilà, mix de dis donc, on est en lien, Yvan Rebrov qui est revenu. N'importe quoi. Alors c'était des superstars, hein, les Charlots. Plus personne ne le sait. C'est pour ça que moi je les avais interviewés il y a quelques années. C'est parce que au bien nom sûr de leur, c'était des superstars. Ils ont comment fait ça, leur premier film. Bien sûr, tout le monde sait que les Charlots étaient des superstars. C'était des superstars de notre enfance déjà. Ah ouais. Non, moi c'était déjà un peu la fin. Ah, leur premier film. Arrête avec ce complexe de vieillesse, jeunesse, tout ça, ça m'énerve. Alors bref, leur premier film s'appelait Le Grand Bazar. Ouais. Et tu sais que ça a été tourné à Meudon-la-Forêt. D'accord. Et Meudon-la-Forêt, c'est de là que je suis. Ouais. Ça a été tourné et en. Et même, ils filment à un moment donné, ta rue. On pourrait presque me voir parce que ça a été tourné en 71 et j'avais 2 ans à cette époque-là. Ouais. Voilà, comme ça, tu sais quel âge j'ai maintenant. Ouais. Et donc, le Grand Bazar, pas le Big Bazar, le Grand Bazar, le premier film des Charlots, 12 millions d'entrées. Ouais. Ce qui est pas rien, gros. Ce qui est pas rien, ouais. Et c'était le genre de film qui perçait partout dans le monde. Ça, c'est typiquement le cinéma qui allait dans tous les pays les plus reculés de la planète. Non, mais toi qui connais bien toute cette époque-là et qui connais beaucoup de gens, aujourd'hui, vu que tu les as interviewés, ils font j'ai quoi? J'ai interviewé Gérard Rinaldi, le chef de Charlot. Voilà, ils font quoi aujourd'hui, ces mecs-là? Gérard Rinaldi, donc lui, une carrière de comédien de théâtre, je crois, principalement. Et les deux autres, ils se sont fait quand même. Ils m'expliquaient quand même. Alors oui, au début, non, ils étaient même 5. Au début, parce qu'il y avait Louis Rego qui est parti dès que ça commençait à être un petit peu du business principalement. Au début, ça s'appelait Les Problèmes, les Charlots. C'était les musiciens d'Antoine. Antoine qui était la superstar des années 60, avec Hugo Frey. Maintenant qui fait des pubs pour lunettes. On ne sait plus où ça. Hein. Ouais. C'est comme, dans 10 ans... En même temps, tu sais quoi, il a raison. Le mec, il habite à Tahiti, il palpe une fois par an, il fait des pubs pour des lunettes. Voilà. Voilà. Un autre qui fait ça, il s'appelle Johnny aussi. Ouais. Je connais un peu toute la... Oula, ta gueule. Et donc, c'était des musiciens avant d'être des comédiens. Hein, principalement, et ils avaient des envies folles, ils faisaient n'importe quoi, ils en profitaient qu'ils avaient le droit de tout faire, et à cette époque-là, on avait beaucoup le droit de faire beaucoup tout faire. Ils ont employé un groupe berbère traditionnel, et ils sont partis dans du grand n'importe quoi. Louis Rego, Gérard Rinaldi, Le Charlet. Alors, qu'est-ce que vous attendez là, hein? C'était à vous d'y aller. C'était après là. Les chœurs, c'est vous. C'était là. Vous allez écouter les chœurs. Écoutez. Non. Écoutez, j'ai vous loupé, commencez là. Tout de suite après les chœurs. Oui, là, je l'ai loupé. On va s'appeler. On attend, attendez, on va faire. Je vais faire. Il faut chanter là, vous chantez, c'est-à-dire que vous attendez que les chœurs finissent et vous attaquez. Attendez. C'est trop haut pour moi ça. On peut s'arranger. Non mais attendez, alors que les chœurs aient fini, vous allez... Dites les chœurs, là. Allez-y. Allez. Ah non, là c'est trop tard, là vous m'avez fait signe. Je vous ai fait signe au bon moment. Là, trop tard. Non, c'est la fin. Ah oui, là c'est la fin. C'est marrant. Là, c'est la fin. Là ça fait rien. Quoi. Oui, ça fait rien. Je suis venu pour rien finalement. Oui, bon, ça fait rien. Au revoir, merci. Au revoir. C'est pas mal du tout ça. Ah, c'est un grand moment, ça. Ça fait marrer à chaque fois. Ouais. Bah, disons que c'est les Charlots, quoi. Donc, c'est le coup de la musique. Ils avaient eu envie de faire un truc comme ça. Donc, ils avaient fait venir un orchestre traditionnel berbère. Et voilà, qui ont interprété un chant traditionnel berbère qui s'appelle Herbli Bibi. Après, je vais prononcer. Tu parles berbère, pardon. C'est ça. Herbli Bibi. Mais même, je l'ai mal écrit en plus. Herli Bibi. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le même morceau que. Parce qu'il y a un titre des Manon Negra qui s'appelle Herli Bibi. Herli Bibi, ouais, c'est ça. Ça se trouve, c'est le même morceau. Ouais, enfin, il n'y en a pas qu'un, je pense. Qui s'appelle Herli Bibi. Ouais, parce que. Je pense que le morceau berbère traditionnel, Herli Bibi, il n'y en a qu'un. D'accord. Ça se trouve, c'est le même que celui de la Manera. C'était comment celui de la Manera, tu te rappelles? Je m'en souviens pas du tout. Je crois que c'est ça. Hein. Peut-être. Je crois que c'est. Oh putain, je viens de me rendre compte, dis donc. Ah, c'est voilà, dingue. C'est Manon Negra, Charlot, il y a un lien. Alors, donc, j'étais très, très étonné que tu connaisses pas Suzy Quatro la dernière fois. C'est vrai. Ça, c'est quand même la chanteuse de glam rock. Écoute, toi, tu me dis que moi, le glam rock, je le connais pas, alors que bon, je pense si que tu le connais pas Suzy Quatro, crois. Non, mais voilà, donc. Donc, tu es là pour m'apprendre en même temps. Donc, tout va bien. Il y avait un film qui passait sur Arte, cette série pour les adolescents, tu te rappelles de ça? Je croyais que tu n'avais pas la télé. Non, mais à l'époque, je l'avais. Ah oui. Bon, bref, tu connais pas, tu te rappelles pas de cette série D'ado? Ouais. Sur Arte? Sur Arte, il y a quelques années. Non, on se souvient pas. Il y en a un, c'était Travolta et moi, je crois. Je connais pas. J'ai pu, enfin, bon. Je l'ai. Et dedans, c'était, ça se passait dans au milieu des années 70 et il n'y avait que de la musique comme ça. Ouais, je te balance, du cas trop de façon ce soir. Mon cerveau n'est pas encore bien trop mou là. Allez, vas-y. Vas-y, Suzy. And it is a bit of the sky. Non, mais s'il n'y a que trois noms à retenir du glitter ou glam rock anglais, ouais. Qui est, bon, le glitter glam, c'est anglais hein, principalement, c'est pas américain. Non, ce qu'on appelle le glam rock américain, c'est tout ce qui est la fin des années 70, début 80, c'est type Aerosmith, c'est justement ce qui est à cheval entre le rock FM et le... D'accord, et les New York Dolls, toi tu considères que c'est pas du tout du rock... Mais moi j'ai jamais compris les New York Dolls. J'ai jamais écouté ça. Bon, bah écoute, en tout cas, les New York Dolls étaient à l'origine un peu, c'est ce qui est dit dans tous les bouquins de rock. Moi, je me fie personnellement principalement à mon oreille après. Oui, non, mais d'accord. En écoutant les New York Dolls, je trouve ces espèces de redites. C'était à la mode, hein, au milieu des 70, beaucoup de groupes de rock reprenaient le rock des années 50. Se disent issus des New York Dolls. Non, mais t'écoutes tout simplement, voilà. Ça ressemble à du rock, rockabilly de l'époque. Ouais, des New York Dolls et des MC5, enfin toute cette. J'ai jamais compris au prix non plus le délire autour des MC5. Ah, bah, c'est juste ça. Chiant, je trouve. Ah non. Ouais, non, mais à l'époque, t'as les Stooges, y a pas besoin d'être fan de rock pour trouver ça vachement cool. Quoi. Kick Out the Jams. Moi, je l'ai acheté parce qu'on m'avait dit, ouais, faut écouter ça si t'en t'as rien compris à la musique. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que non, faut arrêter d'écouter, il faut se faire sa propre. Bien sûr, mais c'est évident qu'il faut se faire sa propre discographie et faut pas. J'aime bien quand il y a du fond de son quand même, quand on parle en même temps. Parce qu'en même temps, ça permet de savoir où on est la chanson. Ouais, d'accord. Bah, tu sais, sur un 45 tours, tu vois le sillon, tu sais pas trop. Voilà, non, mais là, il y a du. Ouais, mais là, il y a du fond sonore là, tu vois. T'aimes bien le fond sonore. Vas-y, voilà. Bon, malgré tout, je trouve qu'on est quand même un petit peu endormi. Moi, je vais juste te dire un truc, c'est que ce titre-là me fait beaucoup penser à un titre que tu nous as balancé lors de la les première suites, émission. Ouais, ouais, voilà. En fait, je pense que c'est tout simplement pour la bonne raison que ce sont les mêmes compositeurs derrière, c'est la même écurie. D'accord. C'est les fameux Sheen and Chapman. D'accord. Et Sheen and Chapman, si tu veux, c'est eux les maîtres, les masters du glitter. Donc, ils ont bossé avec les suites. Avec Susie Quattro, avec Bay City Roller, mais bon, c'est des groupes vraiment typiquement anglais qui sont pas connus en France, tu peux connaître pas si tu t'intéresses. À l'international. Là-bas, c'est des superstars. Ouais. On appelle ça des superstars. Tu sais qu'en France, on dit vedette et en Angleterre, on dit superstar. Donc, c'est les étoiles, mais super étoiles, quoi. Donc, du coup, je vais revenir à mes fondamentaux. Ouais. Le disco. Le disco, bah oui. Alain Turban. J'adore parce que la dernière fois, c'était. Comment elle s'appelait, la nana du porno, la Trou? Andrea True Connection. Andrea True, maintenant c'est. Il a été Alain Turban. Il a dû passer un numéro 1 avec Santa Monica. C'est pas un pseudo, hein, Alain Turban, rassure-moi. Mais non, mais à l'époque il s'appelait Alain avec deux L. Je crois. Mais il a placé Santa Monica. Avec un à la fin. Tu connais pas Santa Monica? Hey, hey, Santa Monica. Hey, hey. Santa Monica, tu vois, rien que je te le chante, t'as envie de danser. Ouais, bon, mais là, j'ai envie de danser, mais j'ai pas envie d'écouter. Celui-là, il est moins connu, il s'appelle Quatrième Dimension. Les paroles, c'est Quatrième Dimension, la musique, tout est Quatrième Dimension. On écoute. Je viens de sortir de chez moi, mais je ne reconnais pas ma rue. C'est un couloir humide et froid qui se perd plus loin que ma vue. J'ai peur. Plus rien que des fenêtres borgnes. Plus rien que des fenêtres borgnes. Et je marche sur du satin. Quatrième dimension. Es-tu réel ou non? Ou c'est mon imagination qui me torture dans mon sommeil? Boule de lumière tombe en éclat juste à mes pieds, et de tous ces débris de verre en sort un papillon doré. Ah, mais les paroles, ça s'appelle du disco philosophe. Hein. Ah, non, mais les paroles, toutes ces débris de verre et un papillon en sort tout doré. Et pourquoi qu'il s'emmerderait? Laura, s'il veut. Quatrième dimension, es-tu réel? Qui me torture dans mon sommeil. C'est maladivement dansant, mais en même temps, on a honte quand on danse. Non, non, mais il faut pas avoir honte. Non, mais si, c'est ça. Mais je crois que c'est ce plaisir-là que j'aime bien, moi. Non, non, non, non. Moi, je dis que. Le plaisir et la honte en même temps. Il faut vraiment réfléchir aux paroles. C'est-à-dire qu'il parle quand même de fenêtre borgne au début. On ne sait pas pourquoi. Fenêtre borgne. D'où vient ce trip de fenêtre borgne? C'est une fenêtre qui est borgne, ça te met mal à l'aise. Ah ouais, donc énormément d'acide hein, pour Alain, comment il s'appelle déjà? Alain Turban. Ouais, Alain Turban. C'est facile de se moquer des noms de famille. Hein. Non, mais franchement, c'est un pseudo, hein. Je te rassure. Non, je crois que c'est son vrai nom, Turban. Ah, non, non. Alain Turban. Je suis sûr que non, c'est pas possible. On rebalance parce qu'il dit des trucs quand même. Ouais, il se pose vraiment la question. Allô, non, non, non, non, non. Nana. Nah. Moi, il me plaît ça, tel un turban. Santa Monica, c'est archi connu. Hein. Ouais, mais pour toi, dans ta discothèque, hein, c'est hyper connu. Dans la mienne, bon, j'ai pas ça encore. Pas encore, en tout cas. Mais en tout cas, tu me donnes goût à voir ce genre de disque. Voilà, donc maintenant, j'ai balancé un truc qui t'a réveillé un peu le corps. Du coup, je vais me permettre un truc. Mais surtout l'esprit, parce que ça m'a ouvert des portes peu fermées, surtout les fenêtres borgnes. Le disco a cette candeur qui permet justement de... Le disco a cette candeur de... Et je voudrais que tu finisses cette phrase. Parfois, c'est bien de ne pas finir les phrases. Non. Le disco a cette candeur de quoi? S'il te plaît, Michel Vedette. Cette candeur qui donne accès à une philosophie de libre esprit digne du siècle des Lumières. Alain Turban sort de ce corps. Alain Turban sort de ce corps. Je l'ai croisé une fois près du marché aux puces. Alain Turban? Mmh. Ah bah dis donc. Enfin, il me semble que c'était. Il existe encore? Il existe encore. Mais... Je crois qu'il a. Tu sais, tout comme tous les chanteurs, ils ont souvent un restaurant ou une boîte de. Ils ont de un strip, commerce quoi. Ouais, ils d'accord. ont un commerce. Mais donc Alain Turban est vivant aujourd'hui. Il a fait combien de tubes? Parce que si on peut appeler ça des tubes. Celui-là c'était un tube. Un petit tube. Son gros tube c'est Santa Monica. D'accord. Mais celui-là c'est un mini tube. C'est un tube de deuxième zone. Une tubette. Type de deuxième. Et donc, pour la peine, je vais te passer Laurent Olivier qui lui a fait un tube de dernière zone. Mais j'adore ce morceau. Ouais. C'est vraiment une c'est époque. C'est-à-dire que c'est le tube pour les gens qui sont assis en strapontin en seconde classe. Ouais, lui, c'est son tube à lui. Ouais. Il a ça, c'est mieux que rien. Hein. Et ça s'appelle Le Répondeur. Et on écoute. Tout est là. C'est pas le téléphone sonne. Hein. Écoute, c'est pas le téléphone de l'époque. Allô? Attends, je remets le téléphone de l'époque parce que ça me rappelle des souvenirs, cette sonnerie. On va mettre au début, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont inspirés du téléphone, notamment Claude François. Le téléphone pleure. Justement, j'avais programmé la version italienne de. Du téléphone pleure. Ouais, ça s'appelle Il Telefono. Pronto. Mais parce qu'à l'époque, c'était quand même révolutionnaire le téléphone. Ouais, y a plein de tubes de téléphone. Ouais. Bon, écoute la sonnerie du début. On écoute. Ça te rappelle pas des images? Ah si. Ouais, d'accord. Allô? Avec le cadran qui tourne. Vous êtes en communication avec un répondeur téléphonique qui vous donne la possibilité de laisser un message ou un numéro de téléphone. Mademoiselle d'Iberville pourra vous rappeler à son retour. Vous avez 3 minutes. Attention, parlez. Allô, c'est moi, tu n'es pas rentré. Répondeur est bien mon automne. Mais dans un sens, je suis satisfait. Car j'aime autant qu'il n'y ait personne. Si aujourd'hui j'ai le courage de te parler. Franchement, je pensais qu'on allait perdre plus d'auditeurs sur ce morceau. Mais j'adore. Attends, c'est un message. C'est un message d'amour qui dure 3 minutes. C'est un voyage que l'on fait à deux. Alors avant de te dire oui, laisse-moi donc réfléchir un peu. Un peu. Oui, un peu. J'ai déjà vu tout autour de moi. Ça ressemble à un slow quand même. Tout autour de moi. Les contraintes et les habitudes. Nous, on a créé le slow de téléphone. Les habitudes. Au club. Michel, oui. Si les gens veulent venir au club, ils viendront au club. N'explique pas ce que tu fais. J'explique pas, je disais qu'on avait fait un slow téléphone. Mais ils viendront découvrir lors du club. Je ne le fais pas à chaque fois, je ne le fais qu'une seule fois. Cette semaine, ce sera un slow distant. D'accord. Tu te vois, toi chanter comme ça sur un répondeur, t'as déjà fait ça? Chanter une chanson sur le répondeur d'une, d'une fille dont tu es fou amoureux? Non, je chante souvent. Mais une déclaration d'amour chantée. Non. Sur un répondeur, parce que c'est ça un peu, parce que je vois que t'étais parti faire pipi, donc t'as pas écouté, mais c'est ça en fait le concept du morceau. Non, mais j'ai bien compris. Mais je t'assure que je laisse souvent des messages chantés sur les répondeurs des gens. Votre message a bien été enregistré. Merci. Je vous en prie. On peut plus laisser des messages comme ça de 3 minutes 30. Bah non, t'es tout de suite coupé par une voix. Votre message a bien été pris en compte. Voilà, mais j'avais pas fini. Voilà. Malheureusement. J'hésite à passer le prochain parce que celui-là, il est vraiment ringard. Et on n'a pas perdu plus d'auditeurs, donc d'accord, mais on peut aller encore plus loin. Question pour toi et question essentielle. Est-ce que tu penses que dans 20 ans, il y aura des chansons ringardes d'aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux considérer qu'aujourd'hui est ringard, que dans 20 ans, on se dira « Ah, c'était ringard, mais on aime ça quand même ». Tu vois, un mec comme toi, dans 20 ans, qui ne sera pas toi, qui sera un autre, parce qu'il sera remplacé, même si tu seras toujours à la mode, passera. J'espère, moi j'adorerais que ça soit moi. Donc non, ça voudrait dire que j'ai sorti quelques trucs. Donc ça veut dire que… Le truc que j'ai passé à la fin, je pense qu'il sera vraiment considéré… Comme ringard. Mais ça voudrait dire qu'il y a certains titres qui sortent aujourd'hui. Qui sont branchés, qui seront ringards. Qui seront ringards et que dans 20 ans, on écoutera ça, on se dira, ah, putain, qu'est-ce que c'était ringard. Tu peux considérer un ou deux titres comme ça aujourd'hui ou pas? Oui, mais en même temps, je ne sais pas ce qui est branché aujourd'hui, à vrai dire. Donc je ne pourrais pas répondre à ta question. Ah, parce que là, ce que tu qu'est-ce qui est branché aujourd'hui? Dis-moi truc qui est branché. Non, mais je m'en branle de ça. Justice, par exemple, c'est branché. Justice. C'est branché. Ouais, Daft Punk, c'est branché. Voilà, dans 20 je pense ans, que Daft Punk sera ringard. Sera ringard dans 20 ans? Dans 10 ans. Ah ouais? Tu ne connais pas le cycle des ringards branchés? C'est 10 ans. D'accord. 10 ans, t'es ringard. Non, 10 ans après, au bout de 20 ans, t'es branché. D'accord. Mais ça voudrait dire que le mec qu'on vient d'entendre, à une époque, il était branché? Ça n'existait pas, le concept de branché à l'époque. Ouais, mais à un moment donné, il était à la mode. Tu vois, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans 20 ans, le concept de branché sera remplacé par un autre concept qu'on ne connaît pas encore. D'accord. Bon, écoute, je crois que voilà, on a bien répondu. On a résumé la situation. Bon, alors lui, pour le coup, c'est sûr que c'est vraiment ringard, parce que ça, c'est vraiment la tradition du ringard français, puisque c'est le concept du paysan qui monte à Paris. C'est, comment il s'appelle, Tiki Olgado, qui pour l'occasion se fait appeler Léon sur ce 45 tours. Donc Tiki Olgado, c'était le secrétaire de Clo-Clo. Et ça s'appelle C'est chouette les clubs. Donc, déjà le titre. C'est chouette les clubs, il le dit comme ça. Pour tous ceux qui vont dans les clubs, je viens pas 36 des clubs à Paris. Il y a quoi? Il y en a un, principalement. Non, il y en a un principalement. Il y en a un au toit. Oui, il y a Castel aussi. Non. Il y a qui? Il y a quoi? Des clubs, il y en a plein. Non, mais des clubs. Je parle pas de discothèque. Ah oui. Tu fais partie de ces gens qui confondent club et discothèque. Ah oui. Je ne pensais pas que toi, tu confondais ça. Non, mais ça fait prétentieux quand je dis ça? Oui, mais de toute façon, tu es prétentieux, donc ce n'est pas dérangeant et tu le revendiques d'être prétentieux. Non. Donc moi, ça ne me dérange pas que tu me prennes de haut tout le temps. Il n'y a aucun problème. Non, mais un club, ce n'est pas pareil qu'une discothèque. Une discothèque, c'est une discothèque. Un club, c'est un endroit où tu rentres que si tu connais un peu les gens à l'intérieur. D'accord. Et donc, il y en a trois, allez. Voilà, donc il y a le baron. Ouais, le baron. Voilà, donc je pense que ça pourrait être au baron. Parce qu'en plus, le baron avant, c'était pas. Mais c'était mieux avant. C'était toujours un bar à pute, hein, c'est ça? C'était toujours mieux avant. Non, c'était un bar à pute. Ouais. Mais c'est pour ça que c'était mieux avant. C'est chouette les clubs, c'est chouette les clubs. À peine arrivé à Paris, je suis rentré dans un club. Ah, c'est chouette les clubs, hein. Ça fait à peine une demi-heure que je suis au bar. Je me suis déjà fait plein de copains. Ah, les garçons très bien, hein. Très raffinés. Et les filles, alors, rien à dire, hein. Des belles petites papouches, hein. Ah, c'est beau Paris. Paris. C'est chouette les clubs, c'est chouette les clubs. Tu viens danser, mon gros Minet? C'est pas beau, ça, hein. Moi, le paysage me fait plein de parisiennes. T'es me blasé, j'arrive, je fonce. Non, arrête, arrête. Tu me chatouilles, toi. À la garce, toi, c'est hyper, hein. Il y a même un gars au bar qui m'a dit, toi, si tu veux, t'as plus besoin de travailler. T'es fait pour être aimé. C'est pas beau, ça, hein. Alors, les filles d'ici, c'est pas les Saint-Denis touches, hein. Elles savent ce qu'elles veulent. Et ce qu'elles veulent, c'est le Voléon. C'est pas beau, ça. Je te dis, ça se passe au Baron, ce truc-là. Ça a été fait au Baron. Bah, peut-être, mais en tout cas, je suis pas sûr que la personne à l'entrée du Baron laisse entrer un tel personnage. Ah ouais? Ah ouais, non, je pense que... Dommage. C'est vrai que c'est dommage. C'était mieux avant. Mais non, je suis pas comme ça, moi. C'était mieux avant. Moi, je suis comme ça. Toi, t'es comme ça. Ouais. Attends, il va se la faire. C'est chouette les clubs, c'est chouette les clubs. Tu sais que là-bas au pays, hein, j'ai plein de terre, moi, hein. Je pourrais te rendre heureuse, ma grande. Arrête, Léon, sois pas terre à terre. Viens danser. Ce que j'aime chez toi, c'est ta virilité. C'est pas beau, ça, hein. L'argent, elle s'en moque. C'est le Boléon qui leur plaît. Moi, que j'étais venu pour acheter des bêtes, faut dire qu'ici, j'en ai trouvé des belles et des pas chères. Allez, il se fait tard, hein. Faut que j'embrasse la belle rouquine. Ah, le pick-up un petit peu, c'est... Ah, c'est bizarre, c'est comme la grosse Suzanne au pays. C'est chouette les clubs, c'est chouette les clubs. Tu viens, mon beau Léon, on va rentrer. T'as rien contre les travestis, tu verras, je serai très gentille. Oh, moi, j'ai rien contre les travestis, hein. Même qu'un jour au bal du pays, je me suis déguisé. Si tu veux, je demanderai même pas la permission à mon père. On pourrait peut-être se marier. Attends, mon chéri, on n'est pas encore fiancés. C'est chouette les clubs, c'est chouette les clubs. Limite, à un moment donné, je croyais qu'il disait c'est chouette l'écluse. Je sais pas pourquoi. Non, mais... je sais pas non plus pourquoi. Ah, bah, mais c'était bien. Hein. Ah, ce titre, je l'aime beaucoup. T'as ah oui, celui-là, je l'aime il, beaucoup. Limite, il m'insupporte, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ah non, celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il y a une sorte de surréalisme dans cette chanson. Moi, je sais jamais si tu vas aimer ou pas. Ah non, non, mais parce moi, que j'adore. Ça n'importe tout ce que tu l'aimes. Moi, je adore. Mm-hmm. J'adore pas, je adore tout ce que tu mets. Franchement. Ah ouais, vraiment. Bon, alors, donc, mais celui-là, j'ai pas trop de doutes. Donc, c'est donc la version, puisqu'on parlait de Tiki Olgado qui est secrétaire Cloco. Hop, transition. Hop, transition mais télévisuelle, radiophonique. Avec la version italienne. Je crois que c'est la version originale. Je retrouvais pas le disque, c'était un vieil enregistrement que j'ai. Ah bah oui, mais les partisans qu'on lui demande. Bah mais oui. Donc, c'est la version italienne. Parce que moi, ce que j'adore, c'est que la petite fille. Alors, dans la version italienne, c'est la fille de son manager ou d'un mec qui bosse avec lui. D'accord. Qui a fait des 45 tours assez pas piquer des gaufrettes. Pas piquer des gaufrettes, t'aimes bien cette expression? Ouais, pas piquer des verres, tel que le dit Patrick Devers. Il dit pas piquer des verres. Ah, il dit pas piquer des hannetons, parce que l'expression, c'est pas piquer des hannetons. Hein. Ah bon, c'est pas piquer des gaufrettes? Non, pas piquer des hannetons. Mais ouais, je suis sûr et certain. Attends, t'es ukrainien. Déjà, pas piquer des hannetons, et Devers dit c'est pas piquer des verres. Marrant, non? Oui, je crois que ça se dit aussi. Hein. Ouais, ça se dit aussi. Si Devers le dit. Alors là, elle est géniale, la petite gamine, elle est italienne. Donc au lieu de dire allô, elle fait pronto. Pronto. Tu vas voir, c'est beau. Allez, je balance. Tu balances mal, hein? Tu balances très très mal, je trouve. Ah si, je balance bien, tes hanches. Bah, on balance un peu mieux quand même. Pronto. Ascolta. Mamma è vicino a te, devi dire a mamma, c'è qualcuno che... Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire. Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò. Ma tu hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre, digli che non ci sono. ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario, gli altri hanno quella del loro papà, io no. Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro proprio la tua età. No, 5 anni, ma tu la conosci la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te. Aspetta, eh. Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno ça n'a jamais été un problème de parler italien. C'est naturel. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. C'est vachement bien. Moi j'adore. Hein. Ah mais ça, c'est pour moi la perle de la soirée. Ah bon? Ah ouais. La nana, là, la petite fille. Ah ouais, elle, moi je trouve qu'elle est largement au-dessus de la petite française. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est, ah ouais. Elle est, tu sens qu'elle vit le truc quoi. Alors c'est, je sais pas si c'est parce que c'est en italien. Mais elle le vit quoi. C'est l'original. J'aimerais tellement parler espagnol, italien, merde. Tu parles pas italien? Non. T'as juste à te sentir bien et tu parles italien. Je me sens bien. Moi tu parles italien. Lo so che non mi ascolterà, piange il telefono, perché non hai pietà, ero nessuno. T'as déjà fait l'amour avec une italienne? Ouais, je sais pas si j'ai le droit de le dire à l'antenne. Non, mais je vais pas parler de ma sexualité. T'as raison, ouais, on a dit qu'on parlait pas de sexe aujourd'hui. Ouais. Et dis-moi, La trompette. Tu me rassures, c'est pas Claude François qui chante? Non. C'est qui? Comment il s'appelle? Tu sais plus le nom de... Je regarde mes belles dents. Tu te souviens plus de qui? Genre... Non, je me souviens plus, j'ai pas... Bon, c'est pas très grave. Je n'arrivais pas à remettre, je me suis battu avec mes disques. Et... Bon, c'est la version en tout cas italienne et de du téléphone. Et original? Ah, original? Oui, c'est la version originale. Ah d'accord, donc c'est Clo-Clo a pompé cette... Oui, mais ça lui arrivait quand même assez régulièrement. Clo-Clo, ouais. C'est un peu comme Johnny, comme tous ces chanteurs issus de la mouvance yé-yé, quoi. Yé-yé. Donc c'était arrivederci. Arrivederci. Ciao, piccola. Ciao, piccola. C'était la version donc originale de Il téléphone oui, pleure. Je crois. Ouais, tu crois que c'est... Bon, en tout cas c'est une version italienne donc de voilà, du et téléphone pleure. Il n'y a pas besoin de parler italien. Non, mais c'est très très beau. La fillette est magnifique. Elle parle très très bien. Ça et donne lui, envie de faire des petits enfants italiens. Quoi. Et lui, il a peut-être une voix un petit peu trop grave, une voix un peu. Ah bah c'est l'italien. Oh. Ouais, c'est l'italien. Ah non, bien sûr, incarnati. Donc... Bon, alors il y a eu une grosse mode dans les années 60 des groupes de chanteurs habillés à la Versaillaise. Tu parles de R. Voilà, sauf c'était la version versaillaise. Oui, bah, R donc. Voilà. Non mais c'était coupé beaucoup plus court. Ah d'accord. Un peu des sarkozistes un peu. D'accord. Voilà. Donc, ça, jusqu'à présent ça donne bien R. L'image. Jusqu'à présent c'est R. Tu parles de. Et ben Eddie Barclay donc il s'est offert le luxe de se créer son boys band à lui. Mm-hmm. Donc plutôt jupe plissée et bien dégagée sur les oreilles. D'accord. Et donc il a appelé ce groupe là les Barclays. Mm-hmm. Et comme Noël je sais pas si t'as remarqué, t'as été voir les vitrines la feuille. Ah, je déteste ça, ça me rend glauque. Ouais, ça me rend glauque. Ah ouais. J'ai pas d'enfant, donc c'est peut-être pour ça aussi. Non, mais enfin, mais... tu l'as été enfant. Je l'ai été, j'ai été quand j'étais gamin. Mais depuis que je suis plus gamin, enfin un peu moins gamin, je vais plus voir les vitrines de Noël. Moi, j'aime bien. Ça me rend glauque. Moi, toujours une reliance avec mon enfance. Et c'est important d'avoir une reliance, surtout quand on a une activité donc, artistique. Oui, le mot de la soirée, c'est reliance. Hein. Reliance, oui. D'accord. C'est pas pareil que relation, relié, c'est reliance. C'est d'accord, chose. Reliance, et non pas rutilance, non. Rutilance, rien si tu veux. Rutilance, C'est bien le français, c'est sympa. Hein. Oh, j'adore. On peut s'amuser pendant des années avec ça. Mais ouais, c'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui. Celle-là, je l'aime beaucoup, cette petite vanne. Oh, tiens, bah, on va chercher Jean-Paul Starr, il a peut-être des trucs à dire là-dessus. Ah, bah, on va voir. Pendant les Barclays. Les Barclays frappent dans tes mains, parce que oui, je disais de Noël, ça fait vraiment penser à Noël, cette chanson. J'aime alors, ça. On écoute pour Noël de Barclay et son groupe qui s'appelait comment? Les Barclays. Les Barclays. Il fallait passer. Moi, mais moi, ça me fait vraiment penser à la soirée de Noël. Tu vois, on est avec des trucs dans les mains. Là, on va à un dîner à Saint-Paul. On a de la chance. Ça a bien marché cette année pour nous. On est invité à un dîner à Saint-Paul pour Noël. Ça me fait penser à ça, moi. D'accord. Ça te fait penser à quoi, toi, soir de Noël? Non, mais moi, ça me déprime Noël. Hein. Ah ouais, t'as pas encore passé ce stade? Ah non, mais moi, j'ai pas passé. Ah, t'es encore dans la période déprimée par Noël. Ah, mais moi, Noël. Je supporte pas. Mais tu verras, il y a un stade après où tu n'auras plus rien à foutre. Ah, mais je supporte pas Noël. Ça me rend glauque. Vraiment. Hein. Mais peut-être tu pourrais frapper dans tes mains, ça te déglouquirait. Frappe dans tes frappes dans ta gueule. Voilà. C'était comment ils s'appellent eux, les Barclays. Ouais. Et ils ont fait un carton avec ça. Je sais plus. Ah, c'était quoi. La belle époque. Hein, s'ils avaient fait un carton avec ça. Mais oui, ça s'est vendu. Hein, les Barclays. Ouais. D'accord. Alors bon, bah il reste plus que 2 minutes. Faut se grouiller. Putain, merde. Il dure 3 minutes, mon slow. Bah vas-y, balance ton slow. Bah, je le balance direct. Allez, on écoute le slow. Pas besoin de présenter de Michel un truc et Katia. Michel et Katia. Le sang. rejoins-moi maintenant. Je pense avoir compris qu'en étant loin de toi, j'ai plus appris que ne le permet toute la sagesse d'une vie. Les tunes qu'on va se faire. Attends, je crois que c'est la fin de la chanson. Oui. Je peux prendre ton numéro? Si tu veux. Merci. Ça va nous repeupler la France, hein, ce truc-là. Ouais, mais on sent que t'as fait ton service militaire, en tout cas. Ah non, mais c'est important, le solo de le militaire, la marche militaire, la France, ça met une espèce de dramatique. Ouais, c'est très beau, Michel. Bravo. Vraiment. Et pourquoi Michel et Katia, alors? Bah, c'est qui Katia? C'est un couple, quoi. Mais c'est qui Katia? Bah, c'est une fille dont il est amoureux, ou je sais pas quoi. Ah, d'accord. Ou il drague. Oui, drague. Écoute, bravo, Michel. Ouais. Encore bravo. Ouais. Merci pour cette émission. Ouais, attends, j'ai un petit truc. On va pas se lâcher comme ça. Voilà. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Voilà. Bah, écoute, tu vois ce qu'il te reste à faire. Ouais. Hein, bon, bah voilà, c'était mon slow. Hein, c'était ton slow qu'on va écouter en boucle sur ma radio. Hein. On va le danser à distance. Hein, ouais, parce que c'est un slow qui tout se danse. Tout 2008. Voilà, c'est un slow qui se danse à distance. Je te retrouve mardi prochain. Ouais. Oui, tu seras là. Je pense, oui. Voilà, et n'oubliez pas le 18 décembre. Tu veux pas qu'on parle avec en fond sonore le générique de Stars non, qui était à j'aimerais... Non, tu sais ce que j'aimerais. Ouais. J'aimerais qu'on parle avec ton slow en musique de fond, s'il te plaît. Ah, j'avais prévu le... Non, parlons avec ton slow en musique de fond. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est qu'on te retrouve mardi prochain, hein, toujours pour l'émission, ton émission, Michel Vedette passe ses galettes. Et non seulement on te retrouve mardi prochain, mais aussi on te retrouve le 18 décembre pour l'émission spéciale en live et direct du Paris-Paris. Voilà, donc c'était l'émission de Michel Vedette ce soir. N'oubliez pas, demain soir, vraiment n'oubliez pas, je vais couper l'archivage, mais